Vous ne sauriez concevoir, Milord, avec quels ailes, avec quelle gaieté tout cela se fait. On chante, on rit toute la journée. Et le travail n'en va que mieux. Tout vit dans la plus grande familiarité. Tout le monde est égal et personne ne s'oublie. Les dames sont sans air. Les paysannes sont décentes. Les hommes badins et non grossiers. C'est à qui trouvera les meilleures chansons, à qui fera les meilleurs contes, à qui dira les meilleurs traits. L'union même engendre les folades querelles et l'on ne s'agace mutuellement que pour montrer combien on est sûr les uns des autres. On ne revient point ensuite faire chez soi les messieurs. On passe aux vignes toute la journée. Julie y a fait faire une loge où l'on va se chauffer quand on a froid et dans laquelle on se réfugie en cas de pluie. On dîne avec les paysans et à leur heure, aussi bien qu'on travaille avec eux. On mange avec appétit leur soupe, un peu grossière mais bonne, saine et chargée d'excellents légumes. On ne ricane point orgueilleusement de leur air gauche et de leurs compliments en resto. Pour les mettre à leur aise, on s'y prête, sans affection. Ces complaisants ne leur échappent pas. Ils y sont sensibles. Et voyant qu'on veut bien sortir pour eux de sa place, ils s'en tiennent d'autant plus volontiers dans la leur. À dîner, on amène les enfants. Ils passent le reste de la journée à la vigne. Avec quelle joie ces bons villageois les voient arriver. « Oh, bienheureux enfants, disent-ils en les pressant dans leurs bras robustes, que le bon Dieu prolonge vos jours aux dépens des nôtres. Ressemblez à vos pères et mères et soyez comme eux la bénédiction du pays. » Souvent, en songeant que la plupart de ces hommes ont porté les armes et savent manier l'épée et le mousquet aussi bien que la serpette et la houe, en voyant Julie au milieu d'eux, si charmante et si respectée, recevoir, elle et ses enfants, leurs touchantes acclamations, je me rappelle l'illustre et vertueuse Agrippine montrant son fils Néron aux troupes de Germanicus, son grand Pierre. Julie, femme incomparable, vous exercez dans la simplicité de la vie privée le despotique empire de la sagesse et des bienfaits. Vous êtes pour tout le pays un dépôt cher et sacré que chacun voudrait défendre et conserver au prix de son sang. Et vous vivez plus sûrement, plus honorablement, au milieu d'un peuple entier qui vous aime, que les rois entourés de tous leurs soldats.